sexy. Stéphane Laroche. We'll be right back. De bonne musique garantie sur la fréquence 95-30 avec à 7h06 la possibilité pour vous de décrocher les passes valables pour les meilleurs endroits pour les soirées de ces fêtes de fin d'année justement sur le 0320 83 57 57 double 0333 de Belgique. À bon entendeur, salut, n'hésitez donc pas à nous appeler. Pour l'heure, il y a encore et toujours plus de bonne musique garantie avec l'un des gros cartons de cette seconde partie de l'année 2007, le fameux Subs sur Galaxy avec le Kiss My Trends. Galaxy. Good for the mind. Galaxy. Good for the mind. We'll be right back. galaxy. la scène électronique à toute heure du jour, de la nuit sur Galaxy avec Gigi dans Save Me. Très exactement, c'est un bel extrait de ces très nombreuses compilations qui fleurissent à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Profitez-en. Dans quelques minutes, ce sera toute l'information de proximité avec l'agenda Galaxy. Nous vous souhaitons à seulement quelques heures, à quelques jours de Noël, un joyeux Noël. Ça va de soi. Bonne heureuse fête de fin d'année à tous avec ceci sur Galaxy. Ceci, c'est l'une des belles sélections du moment. Elle est signée Toca Disco. Le titre, c'est Time After Time. We'll be right back. À venir à suivre sur Galaxy, une pure merveille avec par exemple, et pour la petite histoire, Sin Biddle à découvrir, ce sera You and I du label Nocturnal, juste après quelques bonnes informations de proximité, ou si vous préférez, l'agenda Galaxy, avec évidemment les marchés Noël édition 2007 qui se termine, c'est jusqu'à cet après-midi inclus sur la place Jean de Vainqueur de Waterloo, dès 14h30, donc vous y trouvez chalets artisanaux, des manèges et de très nombreuses animations pour petits et grands. Attention, en clôture, aujourd'hui le Père Noël descendra en rappel clocher de l'église Saint-Maclou et donc distribuera moult friandises. Plus d'infos, office de tourisme Waterloo 0320 75 85 86 ou www.ville-waterloo.fr. La Croix-Rouge française poursuit son opération Un enfant, un jouet, un sourire. Vous avez jusqu'au 31 décembre. Merci donc de déposer vos jouets et cadeaux dans les caddies situés à l'entrée des magasins participants. Ils seront ensuite distribués aux enfants défavorisés à l'occasion d'une grande fête. C'est donc pour bientôt. La liste des grandes surfaces et magasins participants sur Waterloo est disponible en appelant le 0320 02 80 72. Encore plus d'infos sur www.galaxyfm.com. Yeah. Christmas on Galaxy. Joyeux Noël. Thank you. Ah là là, je sais que vous êtes impatients, ça sent les fêtes. Eh oui, c'est pendant quelques heures le fameux réveillon du 24 décembre. De notre côté, on vous proposera une soirée d'exception avec, par exemple, dès 19h, le meilleur de la scène House avec l'ami Chris Collins. Dans la foulée, attention, l'ami Kauna du Monday's Radio Show vous a concocté avec ses invités un spécial Christmas Radio Show à ne pas rater. Donc Kauna, 21h, 1h du matin. Et dans la nuit, ce sera à la fois le meilleur de la scène House, mais aussi de bien beaux moments rétro avec entre autres Mickaël H, bien sûr, avec Sharkam. Bref, vous allez voir, ce sera d'enfer. Le réveillon, celui qui nous apportera peut-être, on vous l'espère, en tout cas, les cadeaux tant attendus, ou en tout cas un bon moment en famille, en solo, en duo, à l'écoute de la radio. Ça démarre donc dès tout à l'heure 19h. 19h donc, Best of House, Chris Collins. 21h, ne manquez pas, c'est une soirée spéciale. Kauna, Special Christmas Radio Show. D'ores et déjà donc, bonne fête de fin d'année. Un rendez-vous ce soir immanquable avec, par exemple, vous le savez sans doute, du côté de l'Escape Concept Warcoimpec, Belgique. Les enfants, une soirée d'exception à ne pas manquer. Bon nombre d'entre vous ont déjà décroché des passes valables pour cette belle soirée. It's My Style avec Philippe Trécos, bien sûr. Eh oui, Back to 55 avec Timothy Milton, avec également le rendez-vous de Dave, Luke, Kevin. Rendez-vous incontournable, c'est ce soir à l'Escape Concept. L'excellent, le grand Philippe Trécos pour le meilleur de la scène rétro. La soirée baptisée X-Mas Tale. À bon entendeur, salut. Du côté de l'H2O, une soirée également. That's X-Mas Retro House avec Laurent Top, Massimo D'Acosta, sans oublier Chris Simai et Johan. Le détail de toutes les soirées de fête, de week-end, galaxyfm.com, rubrique info soirée Galaxy. Et les derniers passes valables pour ce soir du côté de l'Escape Concept pour la X-Mas Tale, avec Philippe Trécos entre autres, avec Timothy Milton de Back to KGB. Et les résidents, c'est ici et maintenant sur le 0320 83 5757. Bonne chance. Galaxy Music and News. Galaxy. Save the rhythm. Save the rhythm. Welcome to the Crazy House, le meilleur de la scène électronique avec à l'instant, ce titre-là, je l'adore, je l'aime, Star Riders, Beyond Life, bonne heureuse fête de fin d'année, dans quelques heures, c'est Noël, eh oui, moins de 24 heures, nous sommes lundi, bonne reprise, bon courage, les températures de ce jour voisinent des 5 degrés. Galaxy, don't stop music. 5 degrés certes, mais au meilleur de la journée, ça va de soi. C'est nettement plus chaud que ces dernières journées, notamment que la semaine dernière, pas vrai? Ici et maintenant, il n'y a rien que pour vous, Claude Vansrock, l'un des hits de cette année 2007, avec quoi? The Whistler, Now on Galaxy. Yeah. On se l'écoute jusqu'à la dernière seconde, comme toujours, histoire de découvrir ces news bien avant les autres. Eh oui, news baptisée sobrement The Underdog Bullshit, et c'est signé Gail Avril, que vous ne connaissez pas. Par contre, le label ne vous est pas inconnu, c'est sûr, c'est Oven Record, une référence s'il en est. Nouvelle de star, il se passe toujours quelque chose dans la famille de Britney. Après les frasques de la chanteuse, c'est au tour de Jamie Lynn, sa sœur cadette, de s'illustrer dans les tabloïds. Et pour cause, la jeune fille âgée de 16 ans vient d'annoncer qu'elle était enceinte de 3 mois. Le futur papa n'est autre que Casey Albridge, 20 ans, son petit ami de longue date. Bref, la jeune comédienne qui joue dans la série pour enfants Zoé 101 a déclaré à OK Magazine « Ça a été un choc si inattendu. Au début, un seul de mes amis était au courant. Je devais donc réfléchir à ce que je voulais faire de l'enfant avant de laisser l'opinion des autres affecter ma décision. Bref, 2 semaines plus tard, je l'ai annoncé à mes parents et à mes amis. J'étais certes effrayé, mais je devais faire ce qui était bien pour moi. Affaire à suivre. En tout cas donc, les Spears n'ont pas fini de faire parler d'elle. Et c'est heureux. Galaxy. Stéphane Laroche. Suite tout en musique, c'est Dada Life, This Machine Kill Breakfast, Now on Galaxy. Bonne fête si vous prénommez Adèle, lundi 24 décembre. Patience pour les joujoux. We'll be right back. Galaxy. It's time for house. Radio Galaxy New. Sur Galaxy du moment, c'était le nouvel Axwell, fréquence 9530 ou live.galaxyfm.com avec It's true, comme c'est vrai, du label Axton Records. Demain, mardi 25 décembre, deux clubs ouvrent leurs portes en début de soirée avec du côté du Zoo Club, en Belgique évidemment, une spéciale Retro House concoctée de main de maître par deux résidents, Thomas et Cédric, pour ne pas les céder. Eh oui, Céd et Thomas, pour ne pas les citer. Du côté du World, rue de la Pépinière, à Gosselies, en Belgique, un rendez-vous incontournable baptisé Legendary DJ on Tour avec Philippe Trecos pour la rétro, Kevin J, Fifi, Olivier Peters, Cédura Pat, Patrick McKenzie, Eric B ou encore Henk Salon en clair. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette soirée événement, programmée donc demain soir, mardi 25 décembre, rue La Pépinière à Gosselies en Belgique, au World, info web, www.worldevent.be. Possibilité pour vous sur le 03 20 83 57 57 de décrocher des passes valables pour le zoo demain soir, donc le jour de Noël, ou encore le World, donc à Gosselies, Belgique, pour la fameuse Legendary DJ on Tour. 03 20 83 57 57. Galaxy. Only house. See? Sur Galaxy, avec le fameux Savior, remixé par l'ami John Dalbach sur Galaxy. Avis aux amateurs, il est 11h30, la matinée s'achève tout doucettement mais sûrement. C'est une journée importante, c'est la veille de Noël. Et oui, exposition Les mouvements ouvriers du textile à Waterloo, du 19e au 20e siècle, du 20 décembre au 10 janvier prochain. Ce sera donc proposé par l'Association des recherches historiques de Waterloo. Ça se passe au Musée des arts et traditions populaires, situé, je vous le rappelle, rue François Mériot. L'entrée est libre, horaire d'ouverture et de visibilité 03 20 80 59 50. Les drôles de dames du groupe Initiative Mousserie donc vous proposent de prendre contact avec elles afin d'envisager votre inscription pour le réveillon solidaire de la Saint-Sylvestre au centre social de la Mousserie Waterloo. Le nombre de places étant limité, il s'effectuera selon quelques critères convenus d'ailleurs avec Fondation de France, principal partenaire de l'opération. Inscription 03 20 28 45 90 ou sur directement l'endroit, donc au centre social situé, je vous le rappelle, 1 rue Frédéric Chopin à Waterloo. Encore plus d'infos sur www.galaxyfm.com. Allez, profitez-en, cette fin d'année, la musique continue car elle ne s'arrête jamais. Évidemment, fréquence 9530 par l'intermédiaire du web. Si vous êtes en vacances, à l'occasion des fêtes de fin d'année, petit vénard, place à The Wayward et She's, signé Jello. Label Rising Tracks. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, à laquelle vous retrouvez, je vous le rappelle, l'ami Guillaume aujourd'hui, comme chaque lundi. Radio Galaxy. Galaxy. New. Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Happy people. Yeah. Joyeux Noël à vous tous. On Galaxy. La nouveauté sur Galaxy avec le grand James Zabiella dans Persévérance du label Renaissance. Ça va toujours, c'est la pleine forme. Ah oui, je sais, vous êtes énervé, vous êtes impatient, vous êtes excité à l'idée de retrouver soit le réveillon ce soir en famille, en duo, en solo, pourquoi pas, ou alors déjà pour les plus jeunes d'entre vous, les cadeaux de demain. Eh oui, petit papa Noël m'a-t-il apporté tous les joujoux que j'attends depuis belle lurette? Et les cadeaux en question, that is the question. Le résultat des courses sera vraisemblablement soit vers 23h59 ou demain matin au réveil sous le sapin. Affaire à suivre. Bon, ceci étant dit, il est 11h46. Nous sommes lundi 24 décembre. Ça veut dire que ce soir, l'Escape Concept de Warpwampeg Belgique vous a concocté une soirée d'enfer. X-Mace Tale avec Philippe Trécos. Ah oui, l'un des maîtres de la rétro, vous le savez, pour le Back to 55 ou encore Timothée Milton de Back to KGB plus tous les résidents, Kevin, Luc et Dave. Une belle soirée en préparation à ne pas manquer du côté de l'Escape Concept. Ouvert également l'H2O avec That Xmas Retro House avec Laurent Top, Massimo D'Acosta plus 3 résidents, Sima, Chris et Johan. À bon entendeur, salut. D'autres idées de sortie de soirée, il y en a d'autres, celle de demain mardi 25 décembre, le détail du zoo ou encore du World, celle de vendredi, samedi, dimanche sur galaxyfm.com, rubrique Info Soirée Galaxy et vous saurez tout. Attention, le ou la troisième personne interceptée décroche le tout dernier pass valable pour l'Escape Concept ce soir. Avant minuit, Escape Concept, Xmas Tale, pile point numéro 3, c'est l'ultime et dernier pass pour vous. Bonne chance. We'll be right back. Yeah. Music remains on top. record de bonne musique garantie sur Galaxy. Ah, il fallait s'y attendre. Ça aussi, c'est un gros succès du moment. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Pragma sur Galaxy avec Took Me. On va écouter ça l'année prochaine, à mon avis, avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Pas vrai? L'année se termine. Il nous reste une semaine à vivre, quasiment jour pour jour. En cette année 2007, nous sommes le fatidique lundi 24 décembre. Début des opérations, début des hostilités. Ce sera dès tout à l'heure, 19h, avec pour bien démarrer un set spécial de l'ami Chris Collins, spécial Best of House. Et il y aura dans la foulée également. Oh, alors là, attention, c'est à ne pas manquer. Pendant que vous en serez, je le suppose, à l'heure de l'apéro, l'excellent Kauna & Co. Kauna et ses invités pour une édition spéciale qui va durer 240 minutes. Dès 21h, Kauna propose une édition spéciale à Christmas du Radio Show, du Monday's Radio Show. En clair, le réveillon de Noël, vous le passerez entre autres avec Kauna. Dans la foulée également, spécial rétro avec entre 1h et 3h du matin, l'excellent Michael H. À bon entendeur, salut. Bref, d'autres surprises vous attendent à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Galaxy. Don't stop music. Je parle et l'heure avance à 12h01. Bon début d'après-midi à vous, bonne et rose fête de fin d'année. Toute l'équipe de Galaxy au grand complet, DJ animateur, les standardistes, la direction vous souhaite d'ores et déjà un joyeux Noël. Merry Christmas on Galaxy, maestro musique. jour J, moins de 12 heures sur les ondes intergalactiques. Ah oui, pour tout le monde, Merry Christmas, bonne heureuse fête de fin d'année. Bienvenue sur les ondes intergalactiques, celle du 9530, voire live.galaxyfm.com pour celles et ceux qui ont la chance de nous écouter, peut-être même, qui sait, tiens, sur leur lieu de vacances, au bout de la France, à l'autre bout de la planète, à l'étranger, sur leur lieu de travail, ou pourquoi pas sobrement et simplement à la maison, bien au chaud. Ah oui, température voisine des 4 à 5 degrés maximum aujourd'hui, alternance d'éclaircies, de passages nuageux, bref, c'est nettement plus agréable que la semaine dernière, surtout du côté des températures. Aurons-nous droit à un Noël blanc? That is the question. On verra bien demain. À bon entendeur, salut. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez consulter les nombreuses soirées de fête, justement, celles du week-end à venir, celles de ce soir ou encore demain, sur galaxyfm.com, rubrique Info Soirée Galaxy. Galaxy. Galaxy. Music. For happy people. Happy people. Avec Free Cheese, que vous connaissez peut-être, que vous connaissez sans doute, c'est signé David Kay et c'est un bel extrait de Solid Sound 2007.3, l'une des triples compilations CD références de cette année qui s'achève. Bon début d'après-midi et puis bon app. Thank you. days on Galaxy. Vous avez entendu les cliquetis, vous avez entendu les gling-gling, les ding-dong, les Merry Christmas on Galaxy. Eh oui, c'est pas mal du tout ça. Midi et demi déjà, le temps passe décidément très vite. Il nous reste une demi-heure à partager ensemble, soit une trentaine de minutes avant de retrouver le prochain rendez-vous animation. Vous passerez l'un des derniers jours de l'année, ce lundi 24 décembre, histoire de vous faire patienter et de fort belle façon avec le meilleur de la musique et l'ami Guillaume qu'on retrouvera dès tout à l'heure, 13h. Les marchés de Noël édition 2007, eh bien oui, elles se poursuivent jusqu'à cet après-midi inclus. On vous attend donc très nombreux à partir de 14h30 cet après-midi sur la place Jean-Delvinquer de Waterloo, évidemment, avec de très nombreux chez les artisanaux pour les dernières minutes et les dernières idées cadeaux, n'oubliez personne. Les manèges avec également de nombreuses animations pour petits et grands. Et puis en clôture, comme chaque année, vous le savez, aujourd'hui, le Père Noël descendra en rappel le clocher de l'église Saint-Maclou et distribuera moult friandises. Soyez de la fête. Plus d'infos, office de tourisme 0320 75 85 86 ou ville-waterloo.fr. D'autres choses encore, comme par exemple cette exposition l'émission. Regarde un peintre italien sur la mine, à découvrir actuellement jusqu'au 31 décembre inclus. C'est au centre historique minier de Levarde. Vous pouvez y admirer donc les œuvres de Giuseppe Flanghini, ses études, dessins, pastels, aquarelles. Bref, pour en savoir plus, 0327 95 82 82 ou sur chn-levarde.com. Toutes ces infos et bien d'autres encore disponibles comme toujours sur le site web de Galaxy. On vous rappelle. Encore plus d'infos sur www.galaxyfm.com.

Breaks the flow, breaks the flow. Meant to happen, meant to happen. Get on with the show. Gotta get up now. Be myself. Can I wait now? For no one else. Gotta get out. Find a way. Gotta be happy. Come on, man. Switch sur la fréquence 95-30. Bon début d'après-midi, encore quelques heures de patience. Je dis ça surtout à l'attention des enfants qui attendent le Père Noël avec grande, grande impatience. Croyez-moi les enfants, cette année, le Père Noël sera particulièrement généreux. J'en suis sûr, je l'ai rencontré ce matin, il m'a dit « Vous avez été plutôt sympathique cette année, on va vous gâter. » Bon, voilà qui rajoute encore un peu d'angoisse aux parents qui vont devoir se précipiter dans tous les magasins. Ah oui, pour... comme de bien entendu satisfaire les enfants, ça va de soi. Bon, dans moins d'un quart d'heure prochain, niveau animation, ce sera avec l'ami Guillaume. Pour l'instant, j'ai des nouvelles de Tony Parker à vous donner. 40 millions de dollars, et oui, soit quand même quelques 27 millions de nos euros. C'est la somme astronomique que demande maintenant Tony Parker en dommages et intérêts aux détracteurs qui avaient annoncé, entre autres, vous le savez sans doute, qu'il trompait son épouse. Le basketteur des Spurs accuse donc ce site. Et le site en question, on va le citer, c'est x17online.com, d'avoir relayé donc de fausses informations, fausses et diffamatoires à la fois, sur une liaison extra-conjugale entre lui et la soi-disant mannequin français Alexandra Paresson. Bref, c'est faux et cela ne s'est jamais produit. En clair, le site en question devrait savoir que l'information était fausse, ou du moins, il devrait avoir conçu de sérieux doutes au sujet de la crédibilité de cette source. C'est ce qu'affirme en tout cas la plainte déposée mercredi dernier à Los Angeles. Bref, le cador des parquets reproche également au site de ne pas avoir croisé ces informations afin de propager la rumeur. En clair, quand on est riche, non seulement on se fait diffamer, certes, mais ça peut rapporter gros, hein, des comptes. 40 millions de dollars. Bon, pour l'instant, l'affaire n'est pas encore close. Pour l'instant, il n'a toujours pas gagné, mais à mon avis, Tony Parker devrait bien s'en sortir. Bah oui, que voulez-vous ? C'est Noël pour eux aussi, et puis, comme ce sont de jeunes mariés, ça coûte cher de s'installer. C'est bien connu. Tout de suite, la suite avec ceci, I Can Feel sur Galaxy. I Can Feel, c'est signé Adam Kay. happy days on Galaxy. Ma petite dame, c'est terminé pour moi. On se retrouve très prochainement sur les ondes intergalactiques. Ce sera par exemple demain. Merry Christmas on Galaxy. Et oui, ce sera carrément moi-même personnellement tout seul. Je veux The Father Christmas, Santa Claus ou les autres. Celui qui va vous proposer également bon nombre de soirées pour le 25 décembre, justement, Petit Vénard, notamment pour une rétro d'enfer, une rétro légendaire que je vous recommande chaudement. Ce sera Guillaume, 13h-17h sur les ondes intergalactiques. N'oubliez pas ce soir, début des hostilités. Ça démarre tout doucettement, mais sûrement avec l'ami Chris Collins à partir de 19h. Best of House, quelques bons singles de l'année d'enfer. Dans la foulée également, attention s'il vous plaît, le Special Christmas Radio Show du Monday Radio Show de l'ami Kauna et de ses invités. Des pointures, je ne vous dis que ça. Ça va démarrer à partir de 21h dans la foulée également. Des rétros avec Michael H, d'autres rendez-vous incontournables tout au long de ces derniers jours de l'année 2007. Ciao, bisous et à demain.